L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a quelques semaines, je vous racontais ce qui semblait être la fin de l'histoire de G2. Cet étrange objet, mi-nuage de gaz et de poussière, mi-objet dense, qui a fait le tour de Sagittarius A-Star, le trou noir supermassif de notre galaxie, sans produire ce que les astrophysiciens attendaient avec impatience, une dislocation par le trou noir avec de fortes bouffées de rayons X. Eh bien, l'histoire n'est finalement pas finie, car quelques mois après son passage au plus près de l'astre sombre géant, une activité accrue d'émission X a été observée en provenance de Sagittarius A-Star. Et l'étrange objet G2 n'y serait peut-être pas pour rien. L'équipe d'astronomes qui publie ses observations dans la revue britannique Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a exploité pas moins de 3 télescopes spatiaux pour arriver à ses fins. Chandra X-ray Observatory, XMM Newton et Swift. Ils ont surveillé l'activité en rayon X de Sagittarius A-Star durant près de 15 ans d'affilée, en 150 campagnes d'observation entre septembre 1999 et novembre 2014. Gabriele Ponti du Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics et ses collaborateurs montrent que Sagittarius A-Star produit une forte bouffée de rayons X tous les 4 jours environ. Mais l'année dernière, à la fin de l'été 2014, quelques mois après le passage du nuage G2 au plus près de Sagittarius A-Star, les bouffées de rayonnement ont augmenté considérablement par un facteur 10, avec environ 2,5 bouffées par jour. Les chercheurs indiquent également avoir observé une augmentation de l'émission X moyenne d'un facteur 3,7 entre 2012 et 2014. On ne sait toujours pas avec certitude ce qu'est vraiment cette masse de matière appelée G2, nuages de gaz et de poussière, système protoplanétaire avec ou sans étoiles, mais le fait que Sagittarius A-Star se soit mis à être beaucoup plus actif peu de temps après son passage au plus près suggère que de la matière provenant de G2 aurait pu en être la cause en augmentant sensiblement le taux d'accrétion du trou noir supermassif. Le délai observé entre le passage de G2 au plus près de Sagittarius A-Star et le sursaut d'émission X observé semble étonnant, un délai de 6 mois tout de même. Or, d'autres trous noirs montrent ce même type de comportement avec de brusques variations d'intensité de leur émission de rayons X, qui peuvent être, par exemple, attribués à des changements dans la puissance des vents stellaires d'étoiles massives fournissant la matière nourrissant le trou noir. Le passage de G2 n'est peut-être qu'une coïncidence, après tout. Ou pas. Si l'explication de G2 s'avère la bonne, le regain d'activité de l'émission X de Sagittarius A-Star serait le premier signe d'apport de matière fraîche au trou noir par cet objet. Du gaz aurait été arraché du nuage, puis capturé par le champ gravitationnel du trou noir, avant d'interagir avec la matière en train de tomber vers l'horizon de Sagittarius A-Star, tout en s'échauffant à des températures extrêmes en rayonnant des rayons X. Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, la surveillance du centre galactique doit se poursuivre, et se poursuit. De nouvelles observations permettront, espèrent les astrophysiciens, de savoir si le regain d'activité de Sagittarius A-Star est un comportement normal ou exceptionnel. L'article de Gabriele Ponti et ses collaborateurs est paru, il va paraître bientôt, il a été accepté pour publication dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et il s'intitule 15 Years of XMM Newton and Chandra Monitoring of Sagittarius A-Star Evidence for a Recent Increase in the Bright Flaring Rate, qu'on peut traduire par 15 ans de surveillance de Sagittarius A-Star par XMM Newton et Chandra, évidence d'une récente augmentation dans le taux d'intenses éruptions. À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Et écoutez ce podcast, téléchargez-le, dispersez-le. Vous le trouvez sur les plateformes PodCloud et iTunes. N'hésitez pas à laisser des petits avis si vous le souhaitez d'ailleurs. Voilà, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !